décroche plus le téléphone. Pour un rien, j'en fais des tonnes. Ça va finir par te rendre folle. Mais tu verras, tu reviendras. À mon tour de faire des manières, je laisse mes affaires traîner par terre. Une bonne raison de me faire la guerre. Mais tu verras, tu reviendras. Je ne souris pas assez, t'as fini par te lasser. Soudain t'as tout cassé, pourtant j'étais sincère. Je me demande à quoi ça sert de faire autant d'efforts. J'ai beaucoup mieux à faire, balancer les assiettes à travers toute la pièce, les cris, les prises de tête. À un moment ça suffit, maintenant c'est à ton tour de me courir après. Moi qui pensais que je pourrais pas vivre sans voir ton visage, je me rends compte que c'est pas si compliqué de vivre sans toi. T'es laissé la clé à l'entrée dans le verre en cristal. Au pire des cas, je m'endormirai sur le canapé devant un bon vieux Paula. Je ne décroche plus le téléphone. Pour un rien, j'en fais des tonnes. Ça va finir par te rendre folle. Mais tu verras, tu reviendras. À mon tour de faire des manières, je laisse mes affaires traîner par terre. Une bonne raison de me faire la guerre. Mais tu verras, tu reviendras. Ta valise est déjà faite, je vais pas t'en empêcher. Tu peux déménager, je sais me faire à manger. Ouais, j'ai appris à le faire et ça me coûtera moins cher. Je suis pas le genre d'exemplaire, j'appellerai pas ton père. Il prendra mon parti car il connaît sa fille. Maintenant c'est à ton tour de me courir après. Moi qui pensais que je pourrais pas vivre sans voir ton visage, je me rends compte que c'est pas si compliqué de vivre sans toi. T'es laissé la clé à l'entrée dans le verre en cristal. Au pire des cas, je m'endormirai sur le canapé devant un bon vieux Paula. Je ne décroche plus le téléphone. Pour un rien, j'en fais des tonnes. Ça va finir par te rendre folle. Mais tu verras, tu reviendras.